vouloir savoir. Être au pouvoir de soi. Comme un bétail perdu. nous se mêle de nos souliers. La vérité, la vérité, la vérité, la vérité, comme la fumée. La vérité, la vérité, la vérité, qui monte dans nos mots. Il n'y a de repos que pour celui qui cherche. Il n'y a d'oasis que pour celui qui boit. Tout est toujours recommencé. Vous est-il arrivé de voir dedans vos yeux qui coule avec amour? La vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, comme le soulier. La vérité, la vérité, la vérité, que l'on a délassé. Celui qui trouve, il n'y a de retour que pour celui qui part. Tout est toujours à recommencer. Ils ont mis des cailloux dans le bout des souliers, et puis ils sont montés la vérité, la vérité, est comme une lumière. La vérité, la vérité, la vérité, qui pointe à l'horizon. Il n'y a de repos que pour celui qui marche. Il n'y a de repos. Pour celui-là.